Champs-Élysées. Non ? Ça te rappelle pas ça ? Alors, les invités ce soir à Champs-Élysées. J'étais tout petit et je regardais Champs-Élysées. Fais le break. Les accords dans l'eau. Nanana, nanana, nanana. J'en ai marre de me faire tatouer des machins. Thank you. moi j'arrête, je prends ma douche. Qu'un fantôme, tu vas où je suis pas, tu sais maman. Je suis Morgane de Troyes. Oui.